Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 34. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 30 avril 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Boeing 747, tu es Roissy Charles de Gaulle, tu es embarquement immédiat, tu es kérosène, tu es vol 714 pour Sydney, et tu es aussi... Nous avons traversé une zone de turbulence, mais tout rentrera dans l'ordre dans quelques minutes. Cela dit, je vous signale que dans quelques instants, nous passons juste au sud du Grand Canyon. En attendant, détendez-vous et profitez agréablement de votre voyage. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es à 20 000 pieds et tu prends l'avion. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire du premier vol régulier sur Concorde, aujourd'hui disparu. Mais on célèbre aussi, cette année, les 20 ans du premier charter lancé vers l'Afrique par Charles Don Pasqua, lui aussi disparu. Alors, pour n'oublier ni le supersonique, ni les expulsés, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un uniforme Christian Lacroix et de monter à bord d'un gros avion. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle d'un voyage en avion. Pour commencer, de Charles Lindbergh aux grands aéroports parisiens, il faut te retracer l'histoire de l'aviation civile. Ensuite, il faudra te décrire en quoi prendre un avion peut devenir, pour certains d'entre nous, une expérience angoissante. On enchaînera justement sur une interview exclusive du chanteur Mickey 3D qui viendra nous parler de sa frousse d'embarquer dans un avion. Et puis, nous te dévoilerons les coulisses du vol en avion de président Chirac entre Paris et le Caire la semaine dernière pour son voyage officiel en Égypte. Et enfin, te raconter ce voyage rocambolesque de Monique et Jean-Claude sur un Airbus A320 avec atterrissage à Paris-Orly mercredi dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et envole-toi. In the U.S. there's a... Back in the USSR, chantent les Beatles en 1968. Back in the USSR, un titre clairement inspiré du Back in the USA de Chuck Berry. Mais si pour retourner aux States, tu prends un Boeing, pour aller en URSS, tu as le choix entre Tupolev et Antonov. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au transport aérien de passagers, autrement dit, aux avions de ligne. L'avion est né à la toute fin du 19e siècle avec Clément Ader. Les prouesses des pionniers de l'aviation ont permis de faire voler des objets plus lourds que l'air. La Première Guerre mondiale accélère les constructions d'avions et les innovations. Avec la victoire de 1918, les pilotes sont démobilisés et un grand nombre d'avions sont démilitarisés pour être transformés en avions de ligne pour les passagers ou le courrier postal. L'entre-deux-guerres voit donc la naissance de l'aviation commerciale. En 1919, c'est la création de la mythique aéropostale pour le courrier. En 1921, la Pan American World Airways, la Pan Am, est la première vraie compagnie de transport de passagers. Rapidement, les compagnies se multiplient, par exemple la TWA en 1925 ou Air France en 1933. C'est le temps de la course à l'innovation où toutes les audaces sont possibles, comme la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh dans le Spirit of St. Louis en 1927. Et oui, l'entre-deux-guerres pour l'aviation civile, c'est la course au record. Pulvérisant tous les records de vitesse, Howard Hughes accomplit un exploit que Jules Verne lui-même n'aurait pu concevoir. Le tour du monde de New York à New York en 4 jours, battant ainsi de 3 jours et plus le record de Willie Post. Une nouvelle page de l'histoire de l'aviation s'est écrite. À l'instant, le Lockheed monoplan s'est posé promptement et sans encombre. Aviateur intrépide, authentique pionnier des routes aériennes à travers le monde, il relie New York à Paris en 2 fois moins de temps que Lindbergh, et puis Moscou, 35 heures après avoir quitté New York, vrombissant à travers les steppes arides de la Sibérie. En 1938, Howard Hughes réussit donc le tour du monde en avion en 91 heures et 14 minutes. L'histoire de l'aviation civile, c'est celle du progrès technique. La Seconde Guerre mondiale, durant laquelle l'avion est largement employé, contribue à ces innovations avec la mise en place de l'avion à réaction et du radar. Après la guerre, les Trente Glorieuses connaissent une explosion du transport aérien. Les avions deviennent alors plus gros, plus sûr et plus rapide. C'est l'époque du transport de masse, des Caravelles, des DC-3 et bien sûr des Boeing 707 et 747 dont l'arrivée à Orly en février 1970 est un événement. Un événement aussi aujourd'hui dans l'aéronautique avec l'atterrissage pour la première fois à Orly du plus gros avion de transport de passagers du monde, le quadriréacteur Boeing 747, celui que les Américains ont baptisé le Jumbo Jet, traduisez l'éléphant à réaction, vu sa grosseur bien entendu. N'oublions pas en effet qu'il peut transporter près de 500 personnes. Les avions commerciaux sont donc plus gros afin de transporter plus de personnes. Mais ces avions sont aussi plus rapides et un nouveau pas est franchi avec le vol test au-dessus de Toulouse du premier avion supersonique le 2 mars 1969. Interdernière présentée par Édouard Laure. Il y a environ un quart d'heure, Bernard Valette nous appelait de Toulouse pour nous annoncer que les réacteurs du Concorde se mettaient en route. Où en est-on actuellement à Toulouse, Bernard Valette? Oui. Eh bien, Concorde maintenant a roulé. Concorde s'est dirigé très lentement vers la piste de décollage. C'est un très bel oiseau qui est devant nous à quelques 500 mètres, un oiseau tout blanc, rayé de bleu et de rouge. Et Concorde, dans quelques instants, va s'élancer sur la piste de Toulouse-Blagnac. Les premiers vols du Concorde débutèrent en 1976, il y a tout juste 30 ans cette année. Concorde, c'est le luxe à 15 000 mètres d'altitude et à Mach 2. Et oui, dans les années 80, le Concorde, c'est le fleuron de l'aviation civile française. Mais dans les années 80, il y a d'autres avions qui font parler d'eux en France, comme ce 20 octobre 1986. Inter. Charter pour Bamako, samedi soir, à l'aéroport d'Orly, 101 ressortissants maliens en situation irrégulière en France ont été embarqués de force à bord d'un avion affrété par le ministère de l'Intérieur, destination Bamako. Ces 101 personnes ont rejoint leur famille au Mali. En France, ils n'avaient commis apparemment aucun délit, sinon celui de n'être pas en règle avec la législation sur l'immigration. C'est la première fois qu'une expulsion aussi massive d'étrangers est organisée dans notre pays. Ainsi, le samedi 20 octobre 1986, grâce à Don Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, 101 Maliens ont pu retourner à Bamako. Remarque, être expulsé un samedi pour Bamako, ce n'est pas mal parce que, comme chacun sait... Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage pour les passagers des charters de Pasqua, des charters qui fonctionnent aujourd'hui encore. Pour beaucoup de Français, dans les années 60, le dimanche, ça ressemblait plutôt à ça. Je m'en vais, dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions. Pour tous les pays, tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. L'aérogare d'Orly Sud est inaugurée par le général de Gaulle en 1961 pour remplacer le Bourget, aéroport civil depuis 1919. Orly, dans les années 60, c'est un des symboles de la modernisation de la France. Mais à l'époque, Orly, c'est alors plus qu'un aéroport. Commerce et cinéma attirent les curieux et en 1963, Orly, c'est le monument le plus fréquenté de France avec 3 millions de visiteurs. Pourtant, face à la croissance du transport aérien, les pouvoirs publics décident la construction d'un nouvel aéroport international inauguré en 1974. Donc demain matin, Monsieur Pierre Messmer présidera l'inauguration du nouvel aérodrome de la région parisienne, l'aérodrome Charles de Gaulle à Roissy en France. Cet aérodrome est indiscutablement une réussite. C'est une réussite sur le plan technique, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une réussite sur le plan financier. Les prévisions il y a 6 ans étaient d'1,4 milliard. Je crois que l'aérodrome a coûté finalement 1,65 milliard, c'est-à-dire qu'on a à peine dépassé le devis initial, ce qui est assez rare dans les réalisations de ce genre. Le Monde, notre confrère Le Monde, dit aujourd'hui que c'est l'exemple même de l'opération bien pensée et bien menée. Lors de son ouverture, Roissy est en effet l'aéroport le plus moderne d'Europe. Aujourd'hui, Roissy-Charles de Gaulle, c'est le deuxième aéroport européen et le septième mondial, avec près de 48 millions de passagers par an qui s'envolent à l'autre bout du monde. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seul dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. Bout du monde, chanson interprétée par Émilie Loiseau, parce que désormais, grâce au progrès de l'aéronautique, eh bien, tel l'oiseau, Émilie peut assez facilement rejoindre l'autre bout du monde. Alors, pour continuer notre voyage au-dessus des nuages, après avoir survolé l'histoire de l'aviation civile, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de chercher à comprendre pourquoi certains d'entre nous associent systématiquement l'avion à l'angoisse. Comme chacun sait, à vouloir s'approcher trop près du soleil, Icare le grec s'est carbonisé les ailes. Il est tombé et il est mort. De la même manière, à observer d'un peu trop près les étoiles, Galilée a été condamné à abjurer ses idées sous peine du bûcher. Et puis, je te le demande, qui aujourd'hui encore peut ignorer qu'au-dessus des nuages, c'est le royaume de Dieu? Alors, pour toutes ces raisons, vouloir conquérir le ciel a longtemps été associé au sacrilège et donc, par conséquent, à la punition divine. Eh bien, dans le lointain souvenir de ces peurs ancestrales, il arrive tout naturellement que certains d'entre nous aient une trouille bleue de voyager en avion. Pour eux, voler dans les airs n'est pas dans l'ordre des choses. Prendre un avion devient alors une véritable angoisse. Cela dit, même les plus téméraires, ceux qui pensent que l'avion n'est qu'une formalité, peuvent être un jour, comment dire, troublés par certains arguments défendus par ceux qui ont vraiment la trouille en avion. Moi j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec il a fait 10 ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, il y a 200 passagers qui font « Ouah, c'est trop fort !» Bientôt ils vont lui faire « Oh, oh, oh, oh !» L'autre il va chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Et il y a un truc qui m'énerve quand tu prends l'avion, c'est que l'hôtesse, elle prend à chaque fois ton carton d'embarquement. Pourquoi faire? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le regarde et dit, allez-y, c'est par là. Elle dit, ça va, je sais, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de... Tu crois quoi? Je vais y aller tout seul, au bout de 5 minutes, je vais dire, j'aurais dû demander, oh là là. Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein. Tu crois quoi? Je vais me mettre dans le truc des bagages ou quoi? Eh oui, en général, ceux qui ont peur de prendre l'avion deviennent rapidement irascibles. Et encore, heureusement pour les autres voyageurs, que les angoissés ne savent pas tout. Par exemple, je n'ose imaginer l'ambiance à bord de l'avion si les conversations entre le pilote et la tour de contrôle étaient retransmises en direct aux passagers du vol 714. Mais bon, rassurons-nous, les aiguilleurs du ciel sont en général très vigilants sur les évolutions de leurs écrans de contrôle. En réalité, pour lutter contre cette peur de l'avion, le mieux sans doute, c'est d'essayer de se familiariser très jeune avec l'appareil en vol. C'est bien connu, les enfants ont une conscience du danger moins développée que les adultes. Et puis, dans un avion, les membres de l'équipage sont toujours bienveillants avec les mômes. Il arrive même parfois que l'hôtesse de l'air, pour le rassurer, conduise ton enfant dans la cabine du pilote. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Bassa, Monsieur Joey Hammond. Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Et donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Oh oui, c'est d'accord si tu restes bien. Vol 209 à tour de contrôle d'envers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Alors là, attention, tu es prévenu. Si un jour l'hôtesse de l'air propose à ton enfant d'aller visiter la cabine du pilote, je te recommande vivement de les accompagner. Tu auras moins peur, toi aussi. Au bout du compte, qui n'a pas peur dans un avion? Pas grand monde, il y a toujours un frisson d'angoisse au moment du décollage ou de l'atterrissage. Sauf peut-être pour l'hôtesse de l'air qui, elle, est toujours très heureuse d'être là. L'avion, c'est toute sa vie. Tu vis dans les nuages, dans un ciel sans orage, sur un avion tout blanc. Parmi l'équipage, tu fais des voyages, tout en porte le vent. Yeah! La caravelle! Du coup, si toi aussi tu veux te sentir définitivement à l'aise dans un avion, eh bien, soit tu deviens steward ou hôtesse de l'air en Christian Lacroix, soit il faut vaincre ta peur à la racine en passant ton brevet de pilotage. Et là, après, c'est toi qui feras peur aux autres dans ton avion, comme ce 16 novembre 1988. Coucou, le revoilà, le baron noir a ressurgi cette nuit dans le ciel de Paris, mais cette fois, le coucou du baron est carrément passé au-dessus de l'Élysée. Il a aussi survolé le ministère de l'Intérieur, qui se trouve en face, de quoi troubler une fois de plus le sommeil de Pierre Jox. Tout cela s'est passé très rapidement, Gilles Pérez. Oui, en quelques minutes, entre 20h17 et 20h21, des témoins ont aperçu un petit avion de tourisme de couleur claire, tout feux allumés, survoler l'avenue des Champs-Élysées. Une fonctionnaire de police en faction devant la résidence présidentielle de l'Élysée affirme même l'avoir vu à 15 mètres à la verticale au-dessus de l'Élysée. Il aurait pénétré le ciel parisien par la porte de Clichy, survolé la place Beauvau et l'Élysée avant de piquer sur les Invalides. Tous les témoins perdent alors la trace du mystérieux avion. Alors maintenant, pour enrichir notre regard sur les angoisses liées à l'avion, nous avons joint cette semaine au téléphone un homme qui déteste ça, l'avion, à savoir le chanteur du groupe Mickey 3D. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé combien de fois a-t-il pris l'avion dans sa vie. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, je fais pour ton VIP. Ça veut faire, Je l'ai pris que deux fois, donc une fois pour aller en Corse et puis une fois pour aller jouer à Montréal pour les Francofolies parce que on avait vraiment envie d'y aller. J'ai eu très peur, j'ai passé la nuit à regarder par le hublot si j'apercevais la mer ou quoi que ce soit. Et puis je ne suis pas remonté dans un avion depuis. Qu'est-ce qui vous effraie le plus en fait quand vous êtes à bord ? Je sais pas, c'est le fait de peut-être ne plus toucher le sol, le fait où j'ai vraiment l'impression d'être dans un jouet quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc pas sécurisé. Quand on est dans l'avion, on entend la ferraille qui bouge, on entend... J'ai vraiment l'impression d'être dans une carlingue et puis d'être dans les airs, quoi. Alors que... Et puis que d'un coup, s'il y a un souci, bon, ben on retombe par terre de très haut et comme on est dans une pauvre carlingue, enfin, je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être dans un truc pas... trois plaques de ferraille vissées et puis on monte là-dedans puis on t'envoie dans le ciel, quoi. Alors, on sent bien, Mickey 3D, que ça vous angoisse sérieusement, l'avion. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus peur, en réalité ? Le décollage ? C'est pas le passage qui fait le plus peur en avion, il me semble, le décollage. Une fois qu'il est parti, qu'on est en train de survoler la ville, là, il y a un truc très agréable qui dure quelques minutes, enfin, qui est pas... on a plus peur, quoi. Et après, c'est plus, moi, quand on se stabilise, qu'on est dans le ciel, et puis surtout l'atterrissage, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment le passage le plus dur pour moi, je trouve... On est vraiment, là on va toucher le sol, on ne sait pas ce qui va se passer, si un pneu peut éclater, si on peut partir de travers, si le pilote foire le truc. Je me rappelle quand on est revenu de Montréal, après quand on habite à Saint-Étienne, on a pris un avion qui faisait Paris-Lyon, c'était un petit avion. Tout s'est bien passé, j'avais presque plus peur, enfin bref. Et puis quand on a commencé à atterrir, là j'ai fait flipper tout l'avion. Quoi. Je me suis mis à dire, mais le chauffeur est bourré, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il y a des, mais c'est bizarre parce que les pilotes ont leur façon de préparer leur atterrissage, donc ça freine, ça, il se passe des trucs qu'on maîtrise pas. Et là, je me suis mis à flipper tout seul et j'ai fait flipper tout l'avion. Quoi. Vous appelez ça un chauffeur, vous, effectivement ? Bah oui, enfin un pilote, j'ai plus l'habitude de prendre le bus. Alors même si vous prenez plutôt le bus. Dans un avion Mickey 3D, vous seriez plutôt hublot ou couloir ? Non, hublot, moi, il faut que je vois. Même si je me plante, je veux voir, quoi, il faut que je vois. Vous seriez plutôt masque à oxygène ou gilet de sauvetage ? Ça fait peur, ça. Plutôt gilet de sauvetage, parce que quand même, la mer, ça... Enfin, je sais pas, ça fait... Tomber dans la mer, c'est un truc quand même qui... Quand on traverse l'Atlantique, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire là au milieu, quoi. Ça même si un gilet de sauvetage, ça servira pas à grand-chose. Ça, c'est sûr aussi. Et pour finir, à bord, vous seriez plutôt thé ou café ? Non, aucun excitant. Le thé excite un peu aussi. Donc plutôt une petite infusion pour se calmer. Quoi. Eh bien, c'était Mickey 3D pour La Panique au Mangin Palace. Andrew, c'est ce que chante le groupe français Diving with Andy en plongeant avec Andy, parce que le 12 juin 1944, l'officier britannique Andy Minarski a fait plonger ses soldats hors de son avion pour les parachuter sur la Normandie. Alors maintenant, à 11h31, nous arrivons à l'approche de notre prochaine escale sur notre plan de vol, à savoir te raconter ce fabuleux voyage en avion qu'a effectué président Chirac entre Paris et Le Caire la semaine dernière à l'occasion de sa visite officielle en Égypte. Voilà 7 ans maintenant que président Chirac ne s'était pas rendu en Égypte pour claquer la bise à son ami le président Moubarak. Épuisé par cette crise du CPE, président Chirac a donc pris la décision d'aller déguster quelques loukoums sur les rives paisibles du Nil. C'est ainsi qu'il y a 10 jours, accompagné d'une délégation de 80 personnes, président Chirac a pris la route de l'aéroport militaire de Villacoublay, direction Le Caire. Sur la passerelle d'embarquement, juste avant de pénétrer dans la carlingue, président Chirac a reçu un coup de fil de Dominique de Villepin qui s'inquiétait. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage, je veux sourire avec courage, promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours, et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Certes, Dominique n'aime pas rester seul à la maison avec Nicolas, mais président Chirac lui demande de se ressaisir. Les voyages officiels, c'est tout ce qui lui reste, alors il faut le laisser tranquille. Président Chirac raccroche et s'engouffre dans la carlingue, très excité par ce voyage en avion. Et d'ailleurs, quand le commandant lui souhaite la bienvenue à bord et lui demande si tout va bien, président Chirac lui répond immédiatement que... Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Comme quoi, se dit alors le garde du corps, même chez les hommes politiques, il y a des vocations contrariées. Toujours est-il que dans quelques instants, l'avion va décoller. Tout le monde est assis à sa place et l'hôtesse, qui s'appelle Annie, vient d'effectuer les gestes qui sauvent sous le regard émerveillé de président Chirac, qui connaît la chorégraphie par cœur. Ça y est, les pneus de l'avion présidentiel quittent le tarmac. Quelques minutes plus tard, président Chirac décroche sa ceinture et, avec beaucoup d'enthousiasme, entraîne Philippe d'Ousteblasi et Gilles de Robien dans la cabine de pilotage pour leur présenter l'équipage. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Tout. Arrière, n'avez-vous pas service ou avant pendant votre service? Pas directement. En fait, Tout venait après avant et j'étais au-dessus de Tout. C'est vrai. Tout, vous étiez donc commandé par avant et au-dessus d'arrière. C'est ça. Par conséquent, Tout venait avant arrière et moi j'étais avant Tout. C'est ça en résumé. Tout et moi venions derrière avant. Mais moi j'étais plus bas que Tout. Tout vient après arrière et moi je viens avant Tout. Oui. Président Chirac se rend compte alors qu'il ne sait plus très bien qui fait quoi là-dedans. Mais bon, ce n'est pas grave, il est temps maintenant de retourner à sa place car dans quelques minutes va débuter le film que président Chirac a choisi lui-même. L'entourage présidentiel propose plutôt une réunion de travail durant le vol, mais il n'en est pas question. Président Chirac veut voir son film dans l'avion. Chut, ça a commencé. Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Maître des forces du mal, Vador. Voir s'estompe, vieillard. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. À chaque fois, président Chirac se dit que ce Dark Vador, ça lui rappelle quelqu'un de son entourage. Mais bon, le film touche à sa fin, et après les quelques bières mexicaines que l'hôtesse de l'air lui a servies, président Chirac ressent le besoin d'aller soulager sa vessie. Mais Problème, Bernadette, qui est assise dans l'avion à côté de lui, côté couloir, s'est mise à roupiller. Du coup, elle l'empêche de passer. Mais bon, président Chirac, il s'en fout. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, reste malgré moi comme d'habitude. Cela dit, les conditions de vol sont idéales, l'avion présidentiel se rapproche du ciel égyptien. En revenant des toilettes, président Chirac aperçoit alors Philippe d'Ousteblasi, ministre des Affaires étrangères, qui scrute le sol à travers le hublot et qui semble pensif. Président Chirac se penche vers lui et lui demande alors ce que lui inspire d'un point de vue géopolitique cette vision aérienne du monde. Philippe d'Ousteblasi lui répond que... D'ici, le sable est blanc. D'ici, la mer est bleue. D'ici, on pourrait croire que les gens sont heureux. La terre est un paradis et l'avion. D'ici, tout le monde est riche. D'ici, y a pas de misère. Président Chirac est abasourdi. Ses oreilles bourdonnent, mais il sait bien que ce n'est pas l'altitude. Il se dit surtout qu'avec Dominique au Quai d'Orsay, c'était quand même différent. On avait un Concorde, désormais on a un Tupolev. Quand il retourne s'asseoir, président Chirac constate que Bernadette s'est réveillée. Désormais, elle s'est assise côté hublot. Elle scrute, elle aussi, le sol égyptien et fait remarquer à président Chirac que... Allez, croco, allez, crocodile, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Du coup, Bernadette est chiffon. Elle qui pensait ramener une collection de sacs en croco de son voyage en Égypte, c'est mort. Président Chirac préfère ne même pas réagir et avant d'atterrir, il termine tranquillement la 8e bière que l'hôtesse de l'air Annie lui a servie. Mais en quelques secondes, le train d'atterrissage est sorti, l'avion présidentiel va se poser sur la piste du Caire. Après 4 heures de vol, président Chirac est euphorique mais surtout, il est impatient de retrouver son ami Moubarak qui l'attend sur le tarmac. Les retrouvailles sont chaleureuses et Moubarak lui demande s'il veut dîner ce soir. Après ce voyage en avion, président Chirac lui répond que... J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le midi, tu ne me reviens pas. Je boirai tout le midi, tu ne me reviens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse comme fond des bras. Oui, l'avion, ça lui réussit plutôt bien, président Chirac, il est chaud bouillant. Dans la voiture officielle qui les conduit de l'aéroport égyptien au palais présidentiel, les deux compères évoquent avec malice les hôtesses de l'air. Le président Moubarak se souvient lui aussi d'une hôtesse de l'air qu'il a rencontrée sur Air France. Elle s'appelait également Annie, et surtout, il se souvient que... Annie aime les sucettes. Les sucettes à la... Les sucettes à la... Comme t'as fait baiser. Lorsque le sucre d'or... Thank you. sur sa longue. Que le petit planton et le français Jean Balance Coco et le tour de l'instant pour quelques pénis assis sur ce pain. Ni elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses. Sucette à l'Annie, en 1966, une chanson taillée sur mesure par Serge Gainsbourg pour l'innocente France Gall, qui l'a chantée pompier bon oeil. Alors, pour poursuivre notre voyage à 15 000 pieds à bord de la panique au Mansion Palace, il est temps maintenant à 11h43 de retrouver nos deux héros en stand-by, les surbookés Monique et Jean-Claude. La semaine dernière, il est arrivé à nos héros une aventure exceptionnelle que nous allons te raconter. En effet, mercredi dernier, Monique et Jean-Claude ont pris l'avion pour partir une semaine dans l'île de la Réunion. Et oui, il y a des promos en ce moment. Le voyage a plutôt bien commencé, l'enregistrement et l'embarquement se sont déroulés sans problème et le décollage a été parfait. Jean-Claude est pourtant un peu déçu. Après avoir écouté De Villiers cette semaine, il avait espéré croiser dans l'aéroport quelques dizaines de dangereux terroristes, mais il n'en a pas vu la barbe d'un. Monique, elle, est ravie. Elle a toujours aimé les avions qui volent. Monique et Jean-Claude sont maintenant confortablement installés dans leur fauteuil. L'hôtesse leur apporte leur plateau repas. À voir dans ces barquettes en plastique des bouts de nourriture, Jean-Claude, il n'est pas en confiance. Monique, elle, est une habituée des longs courriers et lui explique comment il va pouvoir manger. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça passe. Jean-Claude et Monique dégustent rapidement leur plateau repas et s'installent pour regarder un film. Après quelques images, Monique entre dans un profond sommeil quand, tout à coup, l'avion subit une série de secousses. L'hôtesse annonce que « nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez s'il vous plaît attacher vos ceintures. » Alors que Monique dort, Jean-Claude, lui, il n'est pas du tout rassuré. « Je sais que cette fois c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. » Comme elle aperçoit Jean-Claude en train de paniquer, l'hôtesse s'approche pour savoir si tout va bien. Mais Jean-Claude ne veut pas passer pour un trouillard, alors il ment et dit à l'hôtesse qu'il a longtemps été pilote de chasse. L'hôtesse le regarde très intriguée, puis s'éloigne. La zone de turbulence est passée et Jean-Claude peut enfin aller aux toilettes. Il remonte le couloir central, mais comme il n'est pas un vrai habitué de l'avion, il va vers l'avant de l'appareil, ouvre la porte et se retrouve dans le cockpit. Et là, Jean-Claude comprend le drame qui se déroule dans son avion. Le siège du pilote est vide, le commandant de bord a disparu. Jean-Claude se trouve donc dans le cockpit de l'avion dans lequel il n'y a plus de pilote. Le copilote et le navigateur regardent Jean-Claude pris de panique qui s'écrie « Où est caché le pilote ? Appelez Charlie Bravo ! Que me croit mon pote si le cockpit capote ? copilote demande alors à Jean-Claude de se retourner. En effet, le commandant de bord est là, assis par terre. Jean-Claude s'approche et lui demande ce qui se passe, si tout va bien. Le pilote lui répond... Paris, New York, Paris. Comme un pauvre con tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33. Tout droit du Minnesota. Pour Jean-Claude, c'est clair, le pilote est complètement bourré, on ne peut plus rien en tirer. Il faut trouver Fissa une solution. L'hôtesse arrive, radieuse, et rassure le copilote. Elle lui explique que Jean-Claude est un pilote de chasse, un vrai chevalier du ciel. Alors, le copilote s'adresse directement à Jean-Claude. Pourriez-vous faire atterrir cet avion ? Non, mais ça va pas la tête. Très bien, au contraire, et j'ai horreur des familiarités. Quelles sont vos expériences de pilotage ? J'ai piloté des monomoteurs de chasse dans l'armée, mais cet avion est un quadrimoteur. C'est une technique totalement différente, c'est autre chose. En plus, je n'ai pas touché à un avion depuis 6 ans. Il y a au moins une chose dont je suis sûr. Vous êtes le seul homme à bord capable de piloter. Jean-Claude est donc le seul espoir et il va piloter l'avion avec l'aide du copilote. Sa première initiative, c'est de prendre la radio et de contacter l'aéroport le plus proche pour envoyer un message. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Oui, Jean-Claude aimerait mieux être un oiseau plutôt que le pilote accidentel de cet avion. Jean-Claude s'installe dans le fauteuil du commandant de bord et prend le manche à balai à pleine main. Il demande à l'hôtesse d'aller rassurer les passagers et de les préparer à l'atterrissage. L'hôtesse, fascinée par le charisme de Jean-Claude, s'exécute aussitôt. Mesdames, messieurs, nous sommes obligés d'envisager un atterrissage en secours. Veuillez écouter attentivement et exécuter impérativement les consignes qui vont vous être données. Votre sécurité dépend de votre calme et de votre discipline. Faites confiance aux membres de l'équipage qui ont suivi un entraînement spécial pour faire face à cette situation. Mesdames, si vous portez des talons aiguilles, retirez vos chaussures. Toutes les passagères s'exécutent, sauf Monique qui continue de dormir profondément. L'hôtesse revient dans le cockpit et demande au commandant Jean-Claude si tout se passe bien. Jean-Claude, il ne s'est jamais senti aussi à l'aise. L'avion entame alors sa descente sur Orly. Jean-Claude est concentré comme jamais, il suit les consignes que lui donnent les aiguilleurs du ciel. Dans la tour de contrôle, c'est l'effervescence. Attention, voilà son avion au bord de la piste. Attention, mon cœur qui bat beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Attention, monsieur, l'éclat du soleil me tombe comme une coupe. Attention, bravo, combat, passager, spécial en transit. L'avion atterrit sans problème, Jean-Claude a réussi l'exploit de poser l'appareil sans encombre. Les passagers sont fiers de leur commandant de bord et manifestent immédiatement leur joie. Jean-Claude est prêt à remettre les gaz, mais l'hôtesse l'en dissuade. Il a fait tout ce qu'il pouvait, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Fin de l'histoire. Les passagers et l'équipage acclament Jean-Claude. Monique, qui vient de se réveiller, ne comprend pas pourquoi on applaudit son homme. Alors Jean-Claude lui en explique la raison. Je suis beau gosse. patron, ce sont nos charlots. Trop beau chante en 1968 les Charlots. Je suis trop beau, c'est un peu ce que doit se dire le dernier né de chez Airbus, l'A380, le plus gros avion jamais fabriqué pour l'aviation civile. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre vol à bord de l'univers fascinant des avions. De l'aventurier Charles Lindbergh à l'aéroport Charles de Gaulle, du commandant de bord au chef de cabine et de président Chirac en voyage en Égypte à Jean-Claude en héros aérien, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le transport aérien de passagers. Alors, c'est quoi le transport aérien de passagers? Eh bien, tout d'abord, c'est une idée assez récente. Ce n'est que dans les années 1920 que débute le transport de passagers et il faut attendre les années 60 pour que le phénomène devienne massif. Et oui, il y a moins d'un siècle, seule une poignée d'hommes avait volé. Désormais, chaque année dans le monde, ce sont près d'1,6 milliard de personnes qui prennent l'avion. Un truc de dingue qui efface sans cesse tes frontières. Voyage, voyage. Alors maintenant, pour élargir notre regard sur le monde des avions, la panique au Mangin Palace te propose de voyager dans un avion d'une compagnie aérienne en restructuration et qui a subi de plein fouet la déréglementation européenne, à savoir la PS Airlines. La PS Airlines est heureuse de vous présenter votre pilote, le commandant Hollande, 2 heures de vol au compteur. À vrai dire, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il est secondé par le copilote Fabius, 3000 heures de vol, dans le cockpit. L'entente est donc parfaite. À l'embarquement, vous serez accueilli sur la passerelle par votre steward, dans son uniforme Colmao, le souriant Christopher Lang. Une fois dans l'avion, Christopher vous proposera les échos, la tribune ou Solferino Madame. Et puis viendront vos deux hôtesses, Ségolène et Martine. Elles vous proposeront, au choix, caviar ou sandwich saucisson rillette, accompagné toujours au choix d'une coupe de champagne ou d'une canette de bière, c'est ça, PS Airlines. Pendant le vol, vous aurez la possibilité d'acheter des produits détaxés, chabichou du Poitou, écharpe rouge, t-shirt Paris 2012 ou encore des posters, présidés autrement. Mais en 2007, il va y avoir des changements sur PS Airlines qui pourraient bientôt devenir Royal Air Force, car la chef de cabine, elle voudrait bien piloter PS Airlines de haut en bas. Sous Françoise Hardy, Te veux-toi, de haut en bas. Voilà, fin du 34e épisode. C'était C'est quoi les avions, revu et corrigé par la bande de furieux du Mange un Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Footrack et Archie Loufoque. C'était Panique au Mange un Palace, Radio Mix. Ça a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Julien Dumont et de Fabrice Desmaz. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la doc, on dit merci beaucoup à Amel Caldi et à Flora Bernard. On remercie également Thierry Dupin pour les disques. Merci aux documentalistes de Lina et à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mange un Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Fil au Fil. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.